Chapitre 308. La réprobation de prendre pour monture un chameau qui se nourrit d'excréments, jusqu'à ce qu'il consomme des aliments purs qui rendent sa viande comestible. 1692. D'après Ibn Omar, le messager d'Allah a interdit de prendre pour monture un chameau qui mange les excréments. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques.